Bonjour, bienvenue dans ce sixième, déjà sixième numéro de podcast science.fm, toujours avec Mathieu. Mathieu, t'es là? Salut professeur Fon, je suis toujours là, ouais, tout va bien. Et toi, comment ça va? Magnifique, toujours fidèle au rendez-vous. Bah ouais, je suis là, tout va bien aussi. Je me réjouis d'avoir enfin la réponse, d'avoir la suite et la fin de ce très attendu dossier sur la théorie des cordes. Ouais, Alors. faudra mettre vos ceintures de sécurité parce qu'on va un peu tomber dans la science-fiction, mais ça va aller, je pense, ça va aller. On va voir ça plus tard. Ouais, cool. Moi, dès qu'il y a des paradoxes temporels, des voyages dans le temps, tout ça, Ouais, je sais pas si on va arriver jusque-là, mais bon, on n'arrivera pas jusque-là pour entendre. ce sera quand même pas mal. Ok, bon, de toute façon, la boîte de Panadol est prête à côté. Avant de commencer, peut-être juste quelques remerciements, comme d'habitude. Cette fois, un petit clin d'œil à Ateraki, en tout cas c'est son handle Twitter, à Antoine évidemment, qu'on ne présente plus, à Xavier Agnès qui nous a encore envoyé du monde, finalement ça se prononce Agnès, à Nicolas Vradis, un collègue et ami qui nous a aussi envoyé du monde. On en est à 49 fans sur Facebook. Moi je pensais quand on a commencé il y a 6 semaines qu'on en aurait deux ou trois, je trouve ça juste inespéré. 150 downloads par semaine, donc on a une communauté de plus en plus nombreuse. Bah, bienvenue à toutes et à tous. Donc on va dépasser peut-être les 50 fans pour la semaine prochaine, pour le prochain podcast, non? Ah bon, on espère, ouais. Ah ouais, Ouais. ce sera un bon chiffre, ça, bon Bon, chiffre. à 49, je pense qu'on a nos chances d'arriver à au moins 50 pour la semaine prochaine. Moi, je voulais aussi juste, j'ai vu Antoine, donc qui fait aussi un podcast qui s'appelle C'est pas faux, un podcast, mais vidéo cette fois. Il a fait un truc absolument excellent dans son dernier podcast. C'est une sorte de recette de cuisine de grand-mère pour récupérer son ADN. C'est absolument fantastique. Donc avec un petit peu de jus d'ananas, du rhum et deux, trois ingrédients comme pour faire un cocktail, il arrive à nous extraire des chaînes ADN façon grand-mère. Je recommande à tout le monde, c'est absolument fantastique. Ouais, avec l'explication sur son fameux tableau blanc pendant que ça mijote, tu comprends quel élément de la recette va casser quel élément de membrane pour que l'ADN puisse s'extraire de son noyau. Non, c'est vrai que c'est juste génial. Merci Antoine, bravo. Ouais, bravo. Ouais. Et puis Antoine nous propose régulièrement de faire un crossover. Je sens qu'on est prêt là. Il faut Ça qu'on y aille. va être pour bientôt, ouais, faudra qu'on se lance pour une petite session podcast à trois avec Antoine, quoi. Je crois qu'on est Exactement. bientôt prêt pour ça. Antoine, c'est quand tu veux. Ok, donc avant d'attaquer la théorie des cordes, moi j'ai une petite news. Est-ce que tu glises 581G, ça te dit quelque chose? Ça me dit quelque chose, parce que j'ai vu ton sujet dans la wave et j'en Ah. avais entendu parler, mais pas sous ce nom-là. Si j'avais juste entendu ce nom-là, non, j'aurais pas pu dire, mais j'en ai un petit peu entendu parler, mais je te laisse présenter la news. Oui, bah, toute la planète en parle depuis 10 jours, il fallait quand même qu'on en dise un mot. Et puis d'ailleurs, notre ami Antoine en a déjà parlé brièvement hier, mercredi, dans la chronique scientifique qu'il tient dans un autre podcast qui s'appelle Will & Co, que je vous recommande chaleureusement d'ailleurs, surtout pour la chronique d'Antoine justement. Alors je vais vous parler d'une exoplanète, Gliese 581G. Enfin, je ne sais pas comment ça se prononce, en anglais c'est Gliese, ça s'écrit Gliese, surnommée Zarmina par son découvreur en hommage à sa femme, heureusement, c'est plus facile à prononcer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une exoplanète? Bah, c'est une planète comme n'importe quelle autre, mais qui se trouve en dehors de notre système solaire, c'est-à-dire dans un autre système solaire. Elle tourne autour de son propre Soleil. Ça fait des siècles qu'on connaît les étoiles, c'est-à-dire ces autres soleils, mais découvrir et observer des exoplanètes qui orbitent autour de ces étoiles, bah, c'était une autre paire de manches, parce que ça demande des moyens d'observation qui n'ont commencé à exister que tout récemment. Et c'est que dans les années 90, 90 pour nos amis hexagonaux, que les premières exoplanètes ont été détectées de manière indirecte, et puis depuis 2008, on arrive à les détecter de manière directe, notamment grâce à l'effet Doppler, qui fera sans doute l'objet d'un prochain dossier, n'est-ce pas Mathieu? C'est un sujet pour toi, ça? Ouais, un bon sujet l'effet Doppler, mais là faudra que Ouais. je ressorte mes vieux cours de physique alors pour ça, mais ouais, pourquoi pas. Donc pour en revenir à nos exoplanètes, selon Wikipédia, au 30 septembre dernier, on en était à 492 exoplanètes découvertes, donc pas loin de 500. C'est plus si exotique que ça finalement. Et pourtant, tout le monde s'excite sur Zarmina. Pourquoi? Alors, on va juste refaire un petit peu l'histoire. On a d'abord découvert Gliese 581, le Soleil local, qui est une naine rouge située dans la constellation de la Vierge, à 20 années-lumière de la Terre. Donc, on a vu la semaine dernière que la lumière de notre Soleil met 8 minutes pour nous parvenir sur Terre. Bah, celle de Gliese 581 met plus de 20 ans. Mais bon, c'est quand même relativement proche, parce qu'en général, toutes les exoplanètes qu'on a trouvées étaient à quelques 400 années-lumière de chez nous. Donc, c'est une naine rouge, je disais, trois fois plus petite que notre Soleil. C'est la 87e étoile la plus proche du Soleil. Et puis, au moins, six planètes orbitent autour de ce Soleil. Les planètes Gliese 581 E, B, C, G, D et F. Tout le monde n'a pas été aussi poétique. La première a été découverte en avril 2007. Et puis, la dernière, qui nous intéresse ici, la G, ben juste maintenant, fin septembre. Et pourquoi est-ce que cette planète G est spécialement intéressante? Eh bien, parce qu'elle se trouve dans la zone habitable, ni trop près, ni trop loin de son Soleil. En tout cas, on pense qu'elle a toutes ses chances d'être habitable. Toutes les autres planètes de ce système étaient soit trop près, soit trop loin, soit gazeuses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas poser le pied par terre, soit sans atmosphère, donc c'était mal barré pour la vie. Alors cette Gliese 581G, Zarmina, présente la particularité d'être tellurique, c'est-à-dire rocheuse, solide, comme Mercure, Vénus, la Terre et Mars, située à une distance idéale de son petit Soleil, et puis présentant les meilleures chances de pouvoir abriter de l'eau liquide, de la terre ferme et une atmosphère. Elle est 3-4 fois plus grosse que la Terre, elle fait le tour de son Soleil en 37 jours, donc une année passe super vite. Elle est probablement synchronisée à son étoile par effet de marée, comme la Lune est synchronisée à la Terre, c'est-à-dire qu'elle lui présente toujours la même face. Ça veut dire qu'il y a un côté de la planète où il fait jour et l'autre où il fait nuit. Ça peut être pratique, il n'y a qu'à déplacer sa chaise de quelques mètres pour choisir entre le jour et la nuit, ou bien assister à des couchers et levers de soleil comme dans Le Petit Prince. Puis ouais, cette année de 37 jours, moi je trouve ça marrant, quoi. Les Français ont inventé la semaine de 35 heures, les Gliésiens ou les Arminiens l'année de 37 jours, qui dit mieux? Donc on peut facilement arriver à un âge de plusieurs centaines d'années, non? Ah ben facile, ouais. Ouais, avec une année de 37 jours. Puis bon, ce qui est marrant, c'est que cette planète réveille plein de fantasmes et d'espoirs. C'est le délire, mais absolument total, dans les communautés de fans de vie extraterrestre. D'autant plus que son découvreur, le professeur Stephen Vogt, un honorable professeur d'astronomie et d'astrophysique à l'Université de Californie, à Santa Cruz, se dit pratiquement certain qu'il y a de la vie sur cette planète. Bon, ceci dit, si on voulait aller vérifier, ce serait un petit peu compliqué. Les spécialistes s'accordent à calculer qu'il faudrait environ 180 000 ans pour s'y rendre, avec les technologies actuelles, donc c'est un sacré voyage. Mais bon, si on avait la technologie pour voyager à ne serait-ce que 92% de la vitesse de la lumière, eh ben, la durée du voyage ne serait que de 22,4 années, voire 6 ans seulement si on arrivait un jour à exploiter la dilatation du temps prédite par Einstein. Mathieu, c'est encore un sujet pour toi. Eh ben dis donc, tu m'en envoies des sujets. Ah, ça y va, là, ce soir. Donc, ouais, la communauté est d'autant plus excitée qu'on aurait reçu un signal en provenance de cette région il y a environ 2 ans. Donc, si on l'a reçu il y a 2 ans, ça veut dire qu'il a été envoyé il y a 18 ans. Nous-mêmes, terriens, on a envoyé un signal dans cette direction il y a 2 ans également. Donc, on attend la réponse. Le signal va mettre 18 ans pour arriver. Puis, si jamais quelqu'un sur place répond tout de suite, bah, sa réponse nous parviendra 20 ans plus tard. Donc, rendez-vous en 2048 pour les prochaines nouvelles. Mais on a reçu un signal provenant de cette région Ouais, solaire, c'est ça? on a reçu un signal provenant de ce système solaire, ouais, il y a 2 ans, mais on n'en a reçu qu'un. Enfin, c'est un astronome amateur australien qui l'avait reçu, et puis depuis, plus rien. Donc, on ne sait pas quoi, Si c'est une si perturbation, si c'est un réel exactement. signal. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc, bon, bah, blague à part, le truc vraiment intéressant avec cette découverte d'une deuxième planète située dans la zone habitable par rapport à son Soleil, la première étant la nôtre, c'est qu'on a enfin une base de comparaison pour commencer à extrapoler. Deux planètes habitables dans un rayon de 20 années-lumière, ça suppose, avec un petit peu de mathématiques, une probabilité de 20% que n'importe quelle étoile. Allô, je t'entends plus là, Alan. Choisis. Tu m'entends plus? Ah, voilà, c'est revenu. Ouais, j'ai eu une petite coupure là. Ah, flûte. Voilà, mais Bon. c'est bon. D'accord. Donc, je disais que ce qui est intéressant, c'est qu'on a une base de comparaison pour commencer à extrapoler. On a deux planètes habitables dans un rayon de 20 années-lumière, ce qui veut dire une probabilité de 20% que n'importe quelle étoile choisie au hasard abrite au moins une planète habitable. Donc, on va sans doute enfin pouvoir affiner l'équation de Drake. Allez, un troisième sujet pour toi. célèbre équation qui calcule la probabilité d'existence de formes de vie intelligente dans l'univers, donc en se basant sur toutes sortes de paramètres, de la formation des galaxies à la durée de vie des civilisations capables de communiquer, etc. Bon, j'ai Et donc, toujours été un peu sceptique sur cette formule ouais, de bah Drake, hein, mais... t'es pas le seul, hein. Elle est totalement controversée parce qu'elle repose sur franchement pas grand-chose qu'on Ouais. extrapole à partir de suppositions. Mais enfin, bon, là, on a enfin un élément plus tangible à mettre dans cette équation de Drake. Alors peut-être que bientôt, on saura combien de E.T. on doit s'attendre à croiser dans les restoroutes des autoroutes galactiques. Donc voilà, rapidement pour conclure, c'est une news qui m'a fait bien marrer parce qu'il faut quand même rappeler qu'on n'a rien pu observer à l'œil nu et que l'inclinaison de cet autre système solaire rend impossible le passage de Zarmina entre nous et son Soleil. Donc on est vraiment mal barré pour la voir, quoi. Donc tout ce que j'ai raconté là est finalement le fruit pour le moment de la très fertile imagination humaine. Je trouve ça absolument génial, non? Ouais, surtout les utopies humaines de pouvoir ou s'exporter sur d'autres planètes ou rencontrer des civilisations intergalactiques. Et ouais. Mais il me semble que j'avais lu qu'il semblerait qu'il y aurait une température, si je me trompe pas, entre moins 10 et 10 degrés plus ou moins sur cette planète. Alors, C'est possible? température moyenne, ouais. Moi, ce que j'ai vu, enfin ce que j'ai entendu plutôt, c'était dans un podcast de la BBC, c'est que s'il n'y a pas d'atmosphère sur cette planète, parce qu'on ne sait toujours pas s'il y en a ou pas, la température moyenne se situerait en calculant, ouais, simplement par calcul dû à sa position par rapport à son soleil, à la distance par rapport à son soleil, serait d'environ moins 40 degrés. Et puis s'il y a une atmosphère, la température moyenne serait d'environ moins 12 degrés. Ah, d'accord. Ce qui est pas très chaud pour abriter de la vie, mais on parle de température moyenne. La température moyenne de la Terre en comparaison est de 15 degrés Celsius. Donc il y aura des Donc, zones forcément plus positif, chaudes aussi. exactement. Ouais, il y a des zones plus chaudes, des zones plus froides. Voilà. Donc Ok, qui sait? ouais, bah c'est cool. On attend des nouvelles de là-haut. On va voir si ces signaux qu'on s'envoie avec ce système solaire portent ses fruits, non? Bah ouais. Il faudra attendre quelques années, je crois. Exactement. Et puis en attendant, bah, voilà, t'as tout le temps pour aborder enfin ce deuxième et dernier volet de la fascinante saga de la théorie des cordes. Donc voilà, ouais, aujourd'hui deuxième chapitre. La semaine passée, on avait fait une petite histoire de la physique pour voir où se trouvait la problématique qui se pose dans les différentes théories physiques. Peut-être avant toute chose, juste citer une conférence qu'il y a eu à la TED. Donc la TED, c'est des conférences qui s'organisent dans différentes villes, qui sont filmées, que vous pouvez retrouver sur plusieurs sites de vidéos. Et dans une de ces conférences, Brian Greene, un fameux astrophysicien, un vulgarisateur hors norme, a fait une petite présentation de 15-20 minutes sur la théorie des cordes, justement, que je vous recommande. Je vous recommande parce qu'il est vraiment excellent comme vulgarisateur. Et c'est vraiment très bien. Donc, pour en revenir à notre théorie des cordes, juste un petit rappel sur ce qu'on avait dit la semaine passée. Dans le premier chapitre, on avait vu qu'il y avait une sorte de conflit entre la théorie de la relativité et la mécanique quantique. On avait vu que la relativité générale décrit un univers macroscopique, organisé et prévisible, alors que la mécanique quantique décrit au niveau des particules un univers microscopique, chaotique et imprévisible. Donc tout l'opposé de la relativité générale d'Einstein. On avait aussi vu qu'il y avait quatre forces fondamentales dans la nature. Il y avait la gravitation qui maintient les étoiles ensemble et maintient les planètes en orbite autour du Soleil. Il y a la force électromagnétique, la deuxième force, qui maintient l'atome cohérent et qui est responsable de l'électricité et du magnétisme. Comme troisième force, il y a l'interaction forte, découverte par la mécanique quantique, qui maintient le noyau de l'atome entier, les neutrons et les protons du noyau de l'atome. Et la mécanique quantique a aussi proposé une quatrième force qui est l'interaction faible, qui est responsable de la radioactivité. Ce qu'on avait vu, c'est que la gravitation était trop faible pour unifier en une seule théorie ces quatre forces. Dans le modèle standard de la physique, la mécanique quantique propose qu'il existe des particules messagères qui sont responsables des trois forces atomiques fondamentales. Donc l'électromagnétisme, l'interaction forte et l'interaction faible. Mais le modèle standard n'arrive pas à décrire la particule qui transmet la gravitation. Donc là... Ouais, c'est le fameux graviton qu'on est encore en train de chercher, c'est Ouais, ça? c'est le gros nœud de l'histoire. Donc on va y venir. Donc pour pour comprendre un peu mieux, on va revenir un petit peu en arrière. En 1919, un mathématicien allemand quasiment inconnu qui s'appelait Théodore Kaluza a suggéré une idée extrêmement audacieuse et bizarre pour son époque. Il s'est dit, bon, si Einstein a réussi à décrire la force de gravitation en termes de déformation et de courbe de l'espace-temps, lui, il va tenter de faire une description similaire, mais avec l'autre force connue, la force électromagnétique, donc connue à cette époque. À cette époque, on ne connaissait que la force de gravitation et la force électromagnétique. Donc, lui, son idée, c'est de décrire la force électromagnétique en termes de déformation et courbe, comme Einstein l'a fait pour la gravitation. Mais des déformations et des courbes de quoi? Einstein avait déjà épuisé les déformations et courbes de l'espace et du temps pour décrire la force de gravitation. D'une certaine manière, il n'y a plus de dimension disponible à déformer ou courber. Donc, Kaluza suggère alors que notre univers pourrait avoir en réalité plus de dimensions que les trois dimensions de l'espace qu'on connaît. Il pourrait donc y avoir des dimensions additionnelles qui, d'une certaine manière, on ne pourrait pas voir. Pour décrire une force supplémentaire, en l'occurrence la force électromagnétique, on aurait donc besoin d'une dimension supplémentaire, ce qui nous ferait quatre dimensions de l'espace et plus trois. D'accord? Donc, il imagina, lui, que la force électromagnétique correspond à des courbes et des déformations dans cette quatrième dimension. Mais Kaluza, il est confronté à deux questions. La première, c'est où sont ces dimensions additionnelles? Où elles se trouvent? Et la deuxième question, est-ce que cette théorie fonctionne? Alors, pour la première question, c'est où sont ces dimensions additionnelles? C'est une question qui a été résolue par un autre physicien qui s'appelle Oscar Klein, en 1926. Klein, il propose qu'il y a deux types de dimensions. Il y a des dimensions d'un premier type qui seraient des grandes dimensions faciles à percevoir, comme les trois dimensions de l'espace qu'on connaît et la dimension du temps. Mais il y aurait aussi un deuxième type de dimensions, des dimensions infimes et enroulées sur elles-mêmes, si petites que bien qu'elles nous entourent, on ne les verrait pas, on ne les voit pas. D'accord? Pour essayer de se représenter ça, on peut prendre un exemple d'un long câble observé à longue distance, donc un câble suspendu qu'on verrait à longue distance. Si on imagine un câble comme ça vu de loin, pour l'observateur, le câble ne représente qu'une droite. Il est sans épaisseur. Il semble très fin et semble être un objet unidimensionnel. D'accord? Ça, c'est si on regarde un câble au loin. Si par contre on zoome, on se rapproche suffisamment près de ce câble, on voit qu'il a quand même une certaine épaisseur, ce câble. On s'aperçoit qu'il y a bien une deuxième dimension, c'est la dimension qui s'entoure autour du câble. D'accord? Si on imagine des fourmis qui se baladent sur ce câble, elles peuvent accéder d'une certaine manière à toutes les dimensions du câble. Elles peuvent aller en avant ou en arrière sur la longueur du câble, donc dans la dimension que nous on perçoit de loin, mais elles peuvent aussi tourner autour du câble dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, ce serait la nouvelle dimension. Donc il faut s'imaginer un peu comme ça, ces dimensions infimes. Ce type de dimension infime que définit Klein, elle serait si petite qu'on pourrait pas les voir. Mais au niveau microscopique de la structure de l'espace, il existerait en fait des dimensions enroulées comme des petits anneaux. Et si on était des fourmis microscopiques, on pourrait marcher d'une part sur les dimensions classiques de notre espace spatial en 3D qu'on connaît, mais aussi le tour de ces infimes anneaux ou dimensions minuscules. Donc, J'essaie de suivre, de me représenter la chose. Effectivement, c'est intéressant, quoi. C'est vrai que c'est évident. Si c'est trop petit pour être observé, on peut comprendre que ce soit là, mais qu'on ne le voit pas. bah, c'est un peu l'idée, quoi. Donc, ça, Oscar Klein, il a essayé de tenter de porter une réponse à cette existence de dimensions additionnelles, en définissant ces dimensions infimes. Mais on se rend compte que la théorie qu'il a émise dans la pratique, elle est confrontée quand même à de nombreux problèmes. Donc c'est là qu'intervient la théorie des cordes. La théorie des cordes, elle n'a rien à voir avec la théorie des dimensions supplémentaires qui a été émise par Kaluza et Klein. Mais on s'aperçoit qu'elle ressuscite certaines de leurs idées, en l'occurrence les dimensions. La théorie des cordes tente de répondre à la question suivante, finalement. Quels sont les éléments basiques, fondamentaux et indivisibles qui constituent le monde qui nous entoure? Elle propose que les éléments élémentaires de la matière sont des brins d'énergie en oscillation semblables à des cordes. D'accord? Donc, au plus profond de chaque particule, il existe petit filament d'énergie qui vibre dans des dimensions additionnelles, mais qu'on ne peut pas observer, parce que ces dimensions, elles sont courbées dans un espace trop petit. Et d'une certaine manière, c'est dans ces dimensions que des filaments d'énergie oscillent. Donc des cordes vibrantes infiniment petites qui peuvent être ouvertes ou fermées. Donc ouvertes comme une petite corde ouverte qui vibre, ou fermées comme une sorte d'élastique, comme d'accord. Donc des cordes vibrantes infimes qui composent toutes les forces et la matière de l'univers. Et là, quand on part sur ce concept de cordes infimes, on n'est plus dans une logique de particules ponctuelles comme le propose la mécanique quantique. La matière au niveau fondamental, elle serait en fait constituée d'états vibrants qui peuvent osciller selon différents schémas. Et l'univers serait construit d'un réseau constitué d'un nombre immense de minuscules filaments d'énergie en vibration. Et ce sont les modes d'oscillation de ces brins d'énergie vibrants qui décrivent les différentes particules de la matière. D'accord? D'accord, ouais, je comprends pourquoi tu as dit qu'on allait nager en pleine science-fiction. Je Ouais, comprends maintenant. ça va encore pour l'instant, tu vas voir, ça va se compliquer. D'accord, on s'accroche. J'attache ma ceinture. On voit, oui, donc que les modes d'oscillation de ces brins d'énergie vibrants décrivent les différentes particules de la matière. Et comme tout le monde le sait, ce sont les particules de la matière qui sont responsables de la richesse du monde qui nous entoure et dans lequel on vit. Donc ces dimensions supplémentaires seraient responsables de la vibration des cordes. Et sans ces dimensions supplémentaires, la théorie, elle s'écroule. Elle impose une certaine... La cohérence mathématique impose la présence de dimensions supplémentaires dans la théorie des cordes. D'accord. Mais la théorie des cordes, elle a un problème, c'est qu'elle ne fonctionne pas dans un univers à trois dimensions, ni à quatre et ni à cinq. Et les efforts des physiciens d'unir les différentes théories des cordes, parce qu'on verra qu'il y en a plusieurs, se voient abordés, car deux calculs devant aboutir à la même réponse donnent des résultats différents. Mais il y a un nouveau calcul mathématique qui démontre que qui est apparu en fait en 1984, qui a été expliqué par un scientifique qui s'appelle Schwartz, j'ai pas son prénom là. Mais un nouveau calcul mathématique démontrerait que le fait d'obtenir deux résultats différents ne présente pas en soi une anomalie ni une incohérence. Donc ça, faut le faire. Donc cette nouvelle découverte D'accord. mathématique permet d'établir en fait le maillon manquant. Parce que une corde, ce serait en fait une particule du point de vue de la mécanique quantique, mais étalée selon la relativité d'Einstein. Donc comme Einstein a dit que l'espace-temps pouvait s'étirer, ben, une corde, pardon, c'est une particule mais étalée. Donc ça rejoint les deux théories en fait. Et le graviton serait la particule qui représente au niveau quantique le modèle de gravitation d'Einstein. On va voir ça un D'accord. peu plus en détail. Donc cette théorie du graviton, je veux dire cette théorie des cordes, elle ne s'applique pas uniquement au graviton. Quand les scientifiques observent le monde, il semble qu'il existe environ 20 nombres qui décrivent notre univers. Donc dans ces 20 nombres, on trouve la masse de certaines particules, l'intensité des forces, un certain nombre de choses. Donc on a environ 20 nombres qui décrivent notre univers, 20 constantes fondamentales de la nature. Ces nombres, ils ont été mesurés avec précision, mais personne ne sait pourquoi ces nombres ont les valeurs particulières qu'ils ont. Donc ça pose un problème, parce que si ces valeurs qu'on connaît étaient des autres valeurs, notre univers pourrait pas exister. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi ces nombres sont-ils si finement réglés pour permettre de donner naissance aux étoiles, aux planètes, à la matière et tout ça. Pourquoi ces nombres ont ces valeurs qui permettent l'existence de tout de notre univers et pourquoi ils n'ont pas d'autres valeurs? Ben, la réponse, c'est que la théorie des cordes suggère que les valeurs de ces 20 nombres sont liées aux dimensions extra dont on a parlé avant. D'accord. En fait, ces 20 nombres dépendent des vibrations des cordes. Faut s'imaginer ça comme si on avait un plan quadrillé d'innombrables nœuds, d'accord? Imagine une sorte de réseau avec des nœuds. Et ces nœuds seraient constitués de dimensions extra entremêlées. On peut essayer de se représenter ces dimensions. C'est comme si on prend un paquet de mouchoirs, on sort chaque mouchoir du paquet. Chaque mouchoir, donc des mouchoirs en papier, chaque mouchoir représenterait une dimension. On met tous ces mouchoirs ensemble, on les emmêle bien. donc pour qui s'entremêlent et on dispose des nœuds de mouchoir comme ça sur un plan. Donc vous imaginez quelque chose un peu dans cette idée-là. Les dimensions supplémentaires se referment sur elles-mêmes et elles s'entremêlent avec des géométries très complexes. Et en fait, les vibrations sont modulées par la géométrie des dimensions supplémentaires dans laquelle se déplace et évolue la corde. Donc les vibrations de la corde sont directement dues aux dimensions supplémentaires, d'accord? Tu me suis là? Ouais. Non, non, juste pour résumer, c'est donc on dit que la substance fondamentale de la matière, ce sont des cordes en vibration. Les vibrations des Ça. cordes sont responsables des particules de la matière. Ouais. Mais pourquoi ces cordes vibrent? C'est dû aux dimensions dans lesquelles la corde évolue. D'accord? D'accord. Donc tout ça, au niveau minusculaire, est très, très infime. Donc si on savait exactement à quoi ressemblent les dimensions supplémentaires, ça on ne le sait pas encore, on serait capable de calculer les schémas des vibrations, vu que les vibrations sont dues aux dimensions supplémentaires. Et si on peut calculer les schémas de vibrations, on peut calculer la valeur de ces 20 constantes. Et si la réponse que l'on obtient des calculs qu'on a, pardon, si la réponse que l'on obtient des calculs correspond aux valeurs observées pour ces nombres, bah, aux valeurs observées par des expériences, bah, on arrivera peut-être à avoir une première explication fondamentale qui décrirait pourquoi la nature de l'univers est telle qu'elle est. Donc la fameuse théorie du tout. La fameuse théorie du tout. Donc on va y venir. On voit qu'il y a plusieurs théories des cordes. C'est un peu le problème. Il y a une théorie des Bah ouais, cordes. c'était trop simple. Il y a une théorie des cordes, une des premières qui s'appelle la théorie des cordes bosoniques, qui propose 26 dimensions spatiales. Il y a après la théorie des supercordes, qui suggère l'existence de 6 nouvelles dimensions spatiales, qui s'ajoutent aux 3 dimensions de l'espace et à celles du temps. Donc on a 10 dimensions au total, D'accord. 9 spatiales et une du temps. Et ces dimensions supplémentaires seraient donc responsables de la vibration des cordes, comme on l'a dit. Cependant, il y a 5 différentes variantes de la théorie des supercordes qui ont vu le jour. Et ce qui se passe, c'est qu'elles ont toutes la même validité théorique. Toutes reposent sur les cordes et l'existence de dimensions supplémentaires. Mais dans les détails, elles ne s'accordent pas sur tous les points. Certaines font état de cordes ouvertes et d'autres de cordes fermées. Donc des cordes fermées comme des sortes d'élastiques un peu. On a montré qu'il pourrait en plus alors, exister de l'ordre de 10 puissance 500 théories des cordes possibles. Donc, avis aux physiciens. Et donc, on voit bien C'est abusé. que finalement, on a un paysage de théories plutôt qu'une théorie unique. Mais c'est seulement l'introduction d'une nouvelle dimension, la 11e, qui a permis de réunir toutes ces variantes au sein d'une seule et unique théorie qu'on appelle théorie M. En fait, on s'est rendu compte que la théorie des supercordes fonctionne bien dans un cas de figure particulier qui est celui de 10 dimensions spatiales et une dimension temporelle. Donc cette théorie M, elle a été énoncée en 1995 par Edward Witten et elle regroupe toutes les différentes versions dans un cadre théorique plus large. Elle assume que les différentes théories des cordes sont des solutions particulières, mais dans un éventail de situations déterminées. Elle démontre en fait que les cinq théories des cordes déjà existantes ne sont en réalité que cinq manières de regarder la même chose. Et pourquoi le M, dans ces théories M, certains disent c'est que donc son auteur Edward Witten, son nom de famille, ça commence par un W. Donc si on retourne le W, ça fait un M. Ouais, j'ai entendu qu'il y a plein de mystères qui Ouais, il y a tournent un peu de autour de ça. mystère. Certains disent lui, il a donné cet être M pour choisir ultérieurement un nom plus approprié selon que sa théorie s'avère juste ou fausse. D'autres Ouais. disent que M, ça veut dire magique, mystérieuse, mystique, mère. Bon, il y a pas mal de mystères là autour, en tout cas. Et donc, en fait, cette théorie M qui introduit cette 11e dimension permet aussi, non pas de représenter un univers, mais décrit différents univers parallèles. Donc on rentre dans une idée de qu'on appelle de multivers, donc de différents univers parallèles. Elle introduit en fait cette théorie M, un nouveau type d'objet qu'on appelle des membranes ou des brains en anglais. Faut imaginer ces univers parallèles, en fait, comme des membranes géantes qui cohabitent symphoniquement, comme un peu des cordes d'un instrument de musique qui vibrent et qui vibrent un peu en parallèle et symphoniquement. Certaines de ces membranes ou univers pourraient avoir les mêmes lois physiques que le nôtre, donc contenir de la matière, des planètes, mais d'autres univers pourraient être régis par des lois physiques totalement différentes. Et ces univers évolueraient dans les dimensions supplémentaires que décrit la théorie M. À ces membranes, donc à ces sortes d'univers parallèles, à chacune de ces membranes sont rattachées des cordes vibrantes ouvertes et minuscules. Et on avait vu que selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, l'univers formé par le tissu espace-temps peut s'étirer. D'accord? On avait dit ça. Et selon la théorie M, les dimensions peuvent, de la même manière que l'espace-temps, se courber, les dimensions de ces univers, d'accord, dans lesquels évoluent ces univers. Mais elles peuvent non seulement se courber, mais elles peuvent aussi se déchirer et créer de cette manière des raccourcis qui peuvent relier un point d'une membrane avec un point d'une autre membrane. C'est-à-dire des sortes de raccourcis qui lieraient un univers vers un autre univers. Ah, là, ça commence à me plaire. Et le graviton, voilà, on retombe sur notre graviton, responsable de la force de gravitation, serait en fait une corde vibrante fermée. Donc, elle n'a pas d'extrémité pour se rattacher à une membrane. On avait dit que sur les membranes, il y a des cordes ouvertes qui sont rattachées, mais le graviton serait une corde fermée, donc elle ne pourrait pas se rattacher à une membrane. Elle serait donc libre de s'échapper de ces membranes ou de ces univers et de se transmettre en fait d'un univers à un autre au moyen de ces raccourcis, donc de ces déchirures qui créeraient des raccourcis en différents univers. Il existerait donc un mode de vibration qui correspondrait à la gravitation à l'échelle microscopique, qui résoudrait enfin le problème de la gravitation quantique. Mais ce modèle de graviton, en fait, ce modèle de graviton permet de résoudre le conflit qui oppose, comme on l'avait dit, l'intensité infiniment grande des trois forces atomiques, et donc électromagnétisme, interaction forte et interaction faible, et l'intensité apparemment infiniment plus faible de la gravitation. La gravitation serait aussi une force en fait très importante, mais son intensité serait répartie entre plusieurs univers parallèles au moyen des gravitons qui passent d'une dimension à une autre. Et en fait, on voit que ça a aussi des répercussions sur tout ce qu'on pouvait imaginer du Big Bang. Parce que la théorie M permet aussi de mieux comprendre l'origine de l'univers. Le Big Bang, en fait, ce serait le résultat d'une collision entre différentes membranes dimensionnelles. Donc une collision entre ces différents univers. Ce qui laisse à penser que plusieurs Big Bang peuvent avoir lieu et d'autres avenirs sont aussi envisageables. Pas mal, non? Ouais, Donc, c'est un problème de circulation mal réglé finalement. ouais, faudrait J'avais pas mettre vu ça comme des ça. agents de police pour réguler tout ça. Donc, la théorie des cordes, on voit qu'elle semble unifier en une seule théorie unique M toutes les lois de l'univers et les quatre forces fondamentales, grâce à la théorie autour de ce graviton. Elle pourrait décrire non seulement n'importe quel phénomène physique que nous observons dans l'univers, mais aussi expliquer comment et pourquoi le cosmos est tel qu'il est. Et le pourquoi, ça c'est un peu une transcendance métaphysique, parce que généralement on dit que la physique explique le comment, que la philosophie, la religion, la théologie expliquent le pourquoi. Mais en fait, avec ces notions de cordes vibrantes qui seraient l'élément ultime de la matière, on aurait peut-être une explication aussi du pourquoi du cosmos. Mais en fait, la théorie des cordes, elle a aussi évidemment son talon d'Achille, parce que, bon, d'une part, aucune expérience ne peut la vérifier et la corroborer à des échelles aussi petites, parce qu'on est dans l'infiniment petit. Et il y a un peu un débat qui est ouvert entre la physique expérimentale et la physique théorique, parce que les détracteurs diront que la physique se définit comme une science expérimentale basée sur l'observation. Et vu que la théorie des cordes, on ne peut pas en faire une observation, on peut se poser la question si c'est de la physique ou si c'est plutôt une sorte de philosophie ou un courant de pensée. Donc on voit que cette théorie des cordes, ou théorie M même, plutôt, c'est un framework très ouvert, un framework mathématique très ouvert et polyvalent, qui me permet en fait d'ajuster un certain nombre de paramètres de manière à s'accommoder très pratiquement à n'importe quelle observation ou nouvelle observation qu'on peut faire. Il est en fait toujours possible de modifier et adapter la théorie pour expliquer un nouveau phénomène. Donc c'est un peu son point fort, mais aussi son défaut vis-à-vis des détecteurs. C'est qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle observation, hop, on règle deux, trois paramètres dans la théorie des cordes, on dit, ah, regardez, là, ça peut être expliqué par la théorie des cordes. Donc, Bon, en même temps, si c'est une théorie qui peut tout expliquer, c'est bah, logique. ouais, c'est logique. Mais bon, il y a des détracteurs qui disent quand même que c'est quelque chose d'un peu trop ouvert à quelque part. Mais. Ouais, bien sûr. Bon, ça, c'est un débat en vogue finalement depuis la physique quantique, quoi. Parce que jusque-là, c'est vrai que la science, enfin la physique et la science en général, c'était des expériences. On observait systématiquement quelque chose, on arrivait à le reproduire. Puis la physique quantique, finalement, c'est tellement pas ça. C'est des choses qu'on n'arrive pas à observer. Si on les observe, ça se passe plus de la même manière. Enfin, on était déjà un peu à cette frontière, quoi. C'est vrai, déjà avec la Et physique quantique, on était à cette frontière. ouais. Mais ouais, c'est vrai que maintenant, les théories physiques fondamentales, bah c'est Ah, difficilement ça devient de plus en plus compliqué, compliqué effectivement. à les Ouais. valider d'une certaine manière. Ouais. Mais bon, on a de la chance parce qu'on a quand même dans la région de Genève un accélérateur de particules tout neuf qui s'appelle le LHC, donc qui est réparti entre le canton de Genève et la France. Et en fait, le rôle de ce LHC, c'est de faire collisionner des particules à très hautes énergies. Et ces collisions pourraient en fait éjecter des débris de nos dimensions dans d'autres dimensions. Donc on va essayer d'observer ça. On va essayer d'observer si la différence d'énergie avant la collision est plus grande que celle après la collision. Et si c'est le cas, ça voudrait dire qu'une partie de l'énergie se serait égarée dans d'autres dimensions. Le LHC il va aussi tenter de prouver l'existence du graviton, aussi en collisionnant à très grande vitesse des particules, un graviton qui pourrait apparaître lors d'une collision. Et bon, les expériences prévues pour ces prochaines années au CERN vont être cruciales pour valider ou non cette théorie M, prometteuse d'unification des lois de l'univers. Donc voilà pour le deuxième chapitre de ce dossier. Waouh! Eh ben, formidable! Est-ce que Franchement, excellent. t'as réussi à suivre un peu l'idée? Je me suis un petit peu perdu à un moment donné avec le détail des cordes qui dépendent des différentes dimensions, mais je pense que tu sais, tu pourrais m'expliquer 15 fois le truc. Ça, Non, juste c'est le en une passage un phrase ou peu deux, pique-nique. l'idée c'est ça, c'est de nouveau, c'est que à l'origine des particules de la matière, on a des vibrations de cordes, d'accord? De cordes minuscules, des brins d'énergie qui vibrent. Et en fait, c'est les modes de vibration qui créent les particules. Un mode de vibration correspond à une particule, un autre mode de vibration correspond à une autre particule. Mais d'où viennent ces vibrations? Elles viennent de dimensions additionnelles, en fait, dans lesquelles se trouvent ces cordes, qui sont minuscules qu'on ne peut pas voir. Elles se trouvent dans des dimensions additionnelles et c'est ces dimensions qui sont responsables des oscillations. Et le graviton, lui, il peut passer. Il y a aussi des univers qui évoluent dans ces dimensions additionnelles. Et le graviton peut passer d'un univers à un autre, et la force faible que nous on ressent du graviton, c'est parce qu'elle est répartie en fait en plusieurs univers. En gros, c'est ça. Et puis ça explique pourquoi on le retrouve à une certaine échelle et pas à d'autres, quoi. Ouais. Donc, en gros, c'est ça. Bon, on mettra le dossier sur le site pour ceux qui veulent relire attentivement. Moi, en fait, je recommande aussi de regarder cette présentation vidéo de TED de Brian Greene parce qu'il a deux trois petites illustrations vidéo dans sa présentation pour voir comment sont ces filaments d'énergie, ces cordes, et comment les physiciens représentent ces dimensions. On arrive un peu mieux à se faire une idée quand on voit des illustrations. Donc, je recommande à tout le monde, c'est assez facile de comprendre en fait. Ouais, excellent, on mettra la vidéo carrément sur le site, Ouais. pas juste le lien. Ouais. Ouais, c'est top. Eh ben, excellent, magnifique. Donc, Tu sais que ouais. je suis en train de lire le nouveau livre de Stephen Hawking, Ouais. qui justement s'attaque non seulement au comment, mais au pourquoi de l'origine du cosmos, en s'appuyant justement sur la théorie M. J'étais très touché de voir, j'en suis à peu près à la moitié du bouquin. En fait, il a amené sa construction pour parler de la théorie des cordes, exactement comme toi, presque dans le même ordre, à ceci près que chez toi, j'ai tout compris, et puis chez lui, je l'écoute en livre audio, Bon, je je dois me faire des suis aussi rewinds. beaucoup inspiré de Brian Greene, donc de différents trucs qu'il a fait. Donc c'est vrai que c'est aussi un physicien, je pense. Voilà, tous partent un peu de ces mêmes idées fondamentales, de la gravitation, de l'opposition entre relativité générale et mécanique quantique. Mais bon, c'est vrai qu'il y a un peu un débat philosophique aussi là autour, parce que la théorie des cordes pourrait, comme j'ai dit avant, expliquer le pourquoi du cosmos. Et jusqu'à présent, le pourquoi, ça a toujours été du domaine de la philosophie et de la théologie, mais pas de la physique. La physique expliquait le comment, pas le pourquoi. Et Ouais, donc la physique est en train un peu de marcher sur les plates-bandes de la philosophie et de la théologie qui, à mon avis, peut-être ont un peu de peine à se positionner vis-à-vis de ça, quoi. ça fait un peu grincer des dents. Bon, ceci dit, moi, je ne suis pas encore convaincu hein, que la physique arrive à expliquer le pourquoi. Je demande, enfin, je me suis proposé déjà de lire ce bouquin jusqu'au bout, mais j'ai quand même des doutes sur le principe. Et bon, ça, on pourra faire un sujet là-dessus, quoi. C'est Ouais, l'objet d'un autre débat. quand tu auras terminé ton livre sur Hawking. Exactement, ouais. Alors, Eh pour ben écoute, aujourd'hui, super, merci. encore une petite côte, non? Là, je crois que Ah bah ça fait ouais. déjà une bonne demi-heure qu'on est ensemble, donc on va pas faire trop long. Ouais, ça fait même 40 minutes là. On a tout dépassé allègrement, mais je pense que ça valait le coup quand même pour ce magnifique dossier. C'est pas très grave si on a débordé. On sera sage la semaine prochaine, on s'en tiendra de nouveau à 30 minutes. Et puis bah oui, si t'as une côte. Alors une quote qui va un peu dans l'ordre d'idée de cette J'en étais sûr. théorie des cordes. Alors je vais la dire en anglais, tu peux essayer de la traduire. Ok. Donc en fait, alors c'est une quote qui a été dite ou écrite par une personne qui s'appelle Karl Theodor Wilhelm Weierstrass, ça s'invente pas, D'accord. un mathématicien allemand du 19e siècle, et il a dit ça: A mathematician who is not also a poet will never be a complete mathematician. Ah, c'est joli. Un mathématicien qui n'est pas aussi un poète ne sera jamais un mathématicien complet. Voilà. Bah, c'est un peu à ce à quoi me fait penser cette théorie des cordes, parce qu'il y a un peu une notion de poésie qui intervient là-dedans. Cette recherche de théorie fondamentale, de pureté, d'une explication unique, unifiée. Je sais pas, je trouve ça c'est un peu poétique en fait. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'en même temps, on est au cœur de la fabrique de la réalité, puis en même temps, ça paraît tellement déconnecté de la réalité de tous les jours qu'il y a effectivement quelque chose d'un peu Peu romantique comme ça, transcendant, d'un peu romantique. poétique, ouais. Donc, Excellent, super. voilà pour aujourd'hui. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose encore. Écoute, non, non, moi je crois qu'il y a rien à rajouter. Je pense que là, t'as placé le standard très haut avec ce dossier. Les suivants vont avoir du mal à régater. On va revenir sur peut-être deux trois Ouais, choses un je peu plus pense. pratiques et un peu moins théoriques, mais de temps en temps, il faut faire un peu des dossiers un peu plus Ouais, théoriques. c'est bien, le dossier de fond comme ça. Ouais. Ouais. Non, c'est vraiment super. Écoute, j'ai eu beaucoup de plaisir à suivre ce dossier. Et puis, bah, on en reste là pour cette semaine. Moi, je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine. Ben moi aussi, et puis merci à tous nos auditeurs de nous être fidèles et bonne fin de semaine à tous et à la semaine prochaine. Ouais, à tout bientôt. Allez, Ciao tout adieu, le monde. professeur Fun, ciao. Salut Mathieu.